Introducing Wendy. Temps a passé, année a passé, de jour en jour on a fini plus près. Difficulté, moment passé, fait l'amour nous vient augmenter. On supporte, sans fatiguer, on fait tout rêve moins fin réalité. Now, give me your hands, look into my eyes. Wash my heart, my heart, my soul. You say care, my number. My day and my night. You say show, my nuit. On nous bâtit en mode sens. Let's go. Relation nous, c'est destiné. Ça veut dire pas je me sépare. Oui, pas me cacher. Non, la vérité. Non, si vous battez la monde, moi chavirer. You've turned a boy into a dumb. That's why. Là où trouver maturité. C'est bon cookie, c'est le rete wap prete wap bli. Ils sont pas comme pour qui. Bébé baby, chérie, love you, I love you too. Mommy, caress, bisous. Bonheur, I see you. Now you're not more, just me and you. On vole en vrai, t'as pour vous aller Renato DiCaprio. Hypocrite, yo pas saisi, ouais, moi avant Caprio. J-Beats, si vous voulez, si vous voulez. Nous pas créer les gens nous voulez. Si vous voulez, si vous voulez. Can help me rule our world, babe. Si vous voulez, chérie, si vous voulez, nous quand même gérer la nous deux. Ma va commenter, ou va diriger. Baby, baby, baby, baby, baby girl, let's live our own world. Own world. Just you and me, baby, in our own world. And it'll be forever. We'll make some cutie babies in our own world. Bye, no baby. Baby girl, let's go.